Le monde invisible par Auguste Glardon. Chapitre 1er. Y a-t-il un monde invisible? Cette question ne date pas d'hier. Il y a 3000 ans qu'un souverain de la Palestine disait dans un langage plein d'assurance « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Mais l'insensé dit en son cœur « Il n'y a point de Dieu. » Vers le même temps, les théistes de l'Inde engageaient une controverse, encore pendante, avec une secte qui se vantait d'expliquer l'univers sans l'hypothèse d'une divinité. À une époque plus reculée, en Chine, des philosophes athées prêchaient une sagesse toute terrestre à des foules moins soucieuses de les écouter que de s'entretenir avec les esprits des ancêtres. Aussi haut qu'on remonte, aussi bas qu'on descend dans l'histoire de la race humaine, on la trouve partagée en deux camps. Les croyants et les non-croyants, les déistes et les athées, les spiritualistes et les matérialistes. Ceux-ci ne voient rien au-delà du monde matériel. Ils expliquent tous les phénomènes, de quelque ordre qu'ils soient, par des causes dont le siège est dans la matière. L'univers est une grande machine autonome, d'origine inconnue, où tout s'enchaîne, grâce à des lois fatales, qui ne laissent place qu'en apparence à des mouvements spontanés. Pour les autres, l'univers matériel n'est pas tout. Il est enveloppé et comme pénétré d'un autre univers qu'on appelle le monde invisible, où résident les causes supérieures, subordonnées elles-mêmes à une cause première, à laquelle on a donné le nom de Dieu. Entre ces deux conceptions contradictoires de l'univers, un conflit était inévitable. Quand a-t-il commencé? Nul ne saurait le dire. Il existe et se perpétue de siècle en siècle, tantôt plus violent, tantôt plus faible, sans que l'un des antagonistes parvienne à réduire son adversaire au silence, bien que l'un et l'autre aient pour habitude de s'attribuer la victoire. Qui présumerait de chanter victoire aussi longtemps que dure la bataille? L'ennemi qui se relève, l'ennemi qui lutte, n'est pas vaincu. Pendant longtemps, le combat se livra dans les régions abstraites de la métaphysique, les idées contradictoires se croisant dans l'air comme des épées qui se cherchent sans se rencontrer. Les spiritualistes disaient « Le monde a un commencement dans le temps et une limite dans l'espace ». Les matérialistes affirmaient au contraire que le monde n'a ni commencement dans le temps, ni limite dans l'espace, et la raison consultée donnait successivement son approbation à l'un, puis à l'autre point de vue avec une égale logique. Les spiritualistes disaient encore « Le principe de causalité ne suffit pas à expliquer le monde. De cause en cause, il faut nécessairement remonter à une cause première, Dieu, qui n'a point de cause et qui est la source libre, spontanée, de toute la série des causes et des effets. » À quoi les matérialistes répondaient « Dieu et la liberté sont des idées sans réalité. La raison persiste à demander quelle est la cause qui détermine, dans un sens ou dans l'autre, la liberté de Dieu. » Même antagonisme au sujet de l'homme. Aux uns, il apparaissait comme un être fatalement déterminé par une foule de conditions, sa naissance et son développement étant soumis à des lois inflexibles. Pour eux, l'homme était un esclave. Les autres voyaient en lui un être libre et responsable, et il ne manquait pas d'arguments pour montrer qu'en effet l'homme est responsable et qu'il est libre. Depuis un demi-siècle, la lutte a quitté le terrain de la métaphysique pure pour se transporter sur celui des sciences naturelles. Mais la question n'a pas changé, c'est toujours celle des origines et de la finalité, du pourquoi des choses. Autrefois, lorsqu'on croyait à la fixité immuable des espèces et qu'on n'avait pas encore démontré l'intimité des relations organiques qui enchaînent les uns aux autres tous les êtres vivants, depuis l'algue marine et l'infusoire jusqu'à l'homme, il était aisé d'admettre des créations spéciales, partant l'intervention d'un créateur. Aujourd'hui, on entrevoit la possibilité d'une lente transformation des espèces. Supposons-la démontrée. Acceptons même que le monde organique tout entier soit sorti par évolution successive du monde inorganique et que l'homme ait pour ancêtre non pas seulement le singe, le mollusque ou la plante, mais la pierre, un gaz, moins que cela, une cellule, origine du monde entier. Alors même, les spiritualistes ne seraient pas vaincus. Leurs adversaires n'auraient fait que reculer la question. Resterait toujours à se demander, premièrement, d'où provient le protoplasme primitif qui a servi de point de départ à toute la série? Deuxièmement, sous l'influence de quelle cause le développement a commencé? Car, le supposer l'effet du hasard, admettre que ces merveilles de transformation depuis l'unité primitive jusqu'à l'infinie variété et l'harmonie des formes actuelles, se sont opérés spontanément, aveuglément, sans idée préconçue, sans aucun plan, la raison humaine s'y refusera toujours. la même contradiction apparaît entre matérialistes et spiritualistes dans les questions de physiologie. Les premiers vous disent « Les éléments chimiques de la matière brute et de la matière vivante sont identiques. Les conditions des phénomènes inorganiques et celles des phénomènes organiques sont identiques. Donc, toutes les manifestations de la vie, même intellectuelles, même morales, ne sont en dernière analyse que le produit de combinaisons physico-chimiques. L'unité de l'être, sa liberté, sa spiritualité, la finalité de ses actes ne sont que des illusions. » À cela, les autres répondent « Quand on nous dit que l'organisme des êtres vivants n'est qu'un laboratoire où tout se passe en combinaison des éléments matériels primitifs, on oublie que ce laboratoire est habité par un hôte intime, le principe vital. Ici, la combinaison chimique ne se fait pas toute seule. Elle s'opère sous l'action d'une cause qui en transforme les éléments de façon à faire un produit d'ordre nouveau qui s'appelle la vie. C'est le vivant qui crée la vie. » Et Claude Bernard ajoutera « Ce qui est essentiellement du domaine de la vie, et ce qui n'appartient ni à la physique, ni à la chimie, ni à rien d'autre chose, c'est l'idée directrice de cette évolution vitale. Dans tout germe vivant, il y a une idée créatrice qui se développe et se manifeste par l'organisation. Pendant toute sa vie, l'être vivant reste sous l'influence de cette même force créatrice, et la mort arrive lorsqu'elle ne peut plus se réaliser. Ici, comme partout, tout dérive de l'idée qui, elle seule, crée et dirige. La vie, c'est la création. » Ailleurs, Claude Bernard donne à cette idée directrice du développement organique le nom qui lui appartient, le nom d'âme. Voici enfin deux citations d'ouvrages récents qui nous paraissent résumer le grand débat sous sa forme actuelle. La première est tirée d'un essai de M. Alfred Fouillet sur la morale contemporaine. Rejeter le bien immuable des philosophes, se contenter du vrai comme les savants et se persuader que le grand mal est l'erreur ou l'ignorance, se détourner de la laideur et se mettre à l'abri de la férocité sans haine et sans colère, se redire que chaque être est ce qu'il peut être, que le tigre est un estomac qui a besoin beaucoup de chair, l'ivrogne un estomac qui a besoin d'alcool, le criminel un cerveau qui s'injecte de sang, en face de tout garder le calme de la science positive, qui constate les phénomènes sans les injurier, qui les classe sans les condamner, telle est l'attitude que l'homme doit garder en face de la nature et en face de l'humanité. Il n'y a plus pour la science moderne et pour la morale elle-même d'autres absolus, lisez d'autres dieux, que la nécessité, maîtresse de l'univers. De nos jours, elle n'a fait qu'ajouter à tous ces noms un nom nouveau, elle s'appelle évolution. Nous extrayons notre seconde citation d'un article de M. Bachereau sur la philosophie des causes finales. Nous consentons bien à ne pas faire du Dieu vivant quelque chose d'immuable et d'immobile dans sa nature abstraite. Est-ce une raison pour le soumettre à la catégorie du devenir, comme ses œuvres ? Non. Nous comprenons tout autrement la cause finale suprême. Puissance éternelle, universelle, infinie en tous sens, elle reste distincte de ses créations, non pas comme cause étrangère et extérieure au monde qu'elle crée éternellement et incessamment, mais en ce sens qu'elle garde toute sa fécondité, toute son activité, tout son être, après toutes les œuvres qui s'échappent surabondamment de son sein, en ce sens qu'elle demeure seule, quand tout le reste ne fait que passer. Qu'elle demeure non pas immobile, dans la majesté de sa nature silencieuse et solitaire, puisque sa nature est l'activité même, mais toujours avec la même énergie de création en sa qualité de puissance infinie. Entre ces affirmations absolument contradictoires, qui se reproduisent sur tous les points depuis des milliers d'années, qui décidera ? Tout ce que la raison humaine peut inventer d'arguments sur le sujet a été mis en avant des centaines et des milliers de fois. Les intelligences les plus diverses s'y sont exercées. Le génie de toutes les races humaines s'y est donné carrière. Tout a été dit, la cause est instruite. Mais je le demande encore, qui décidera ? Ne voit-on pas que le problème est insoluble et que la lutte n'aura point de terme ? Pourquoi les deux systèmes rivaux sont-ils condamnés à se combattre toujours sans se vaincre jamais ? Tel est le point que nous voudrions éclaircir.